marre des vieux mecs. J'en ai marre des vieux mecs. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. J'en ai marre des vieux mecs. Sur l'église Saint-Marc, Saint-Mathieu. Nous on doit le payer putain de cher. Ah papa, I love the tuning. Les vieux mecs, on en a marre, et on fait du tatamar.